réalité changeront nous le monde. Avons-nous déjà trop changé? Le monde est un vampire. Oui, ça je le sais. Sais-tu que seul il n'y a rien qui se fait? Travaille dans ton coin pour la survie de ta forêt. Si tous les monde tombent ainsi, on pourra s'en sauver. Réveille ton âme, arrête de polluer. Explique au monde qu'on a tant à gagner. Le pessimisme va tous nous crever. Avec un peu d'espoir, on va se relever. Si tu crois que la télé, c'est les morts sur l'écran, faut couper le compteur et aller dans un pré. Regardez l'horizon, les nuages volés. Évitez les jours mauvais, gardez les ponts. Le soleil se couchait, la ville faut éviter. Ou prendre un bain et rentrer. Y'a que la nature qui s'occupera de toi. T'as beau avoir du blé, tu peux tout acheter. Dans ton cœur ça part, il te manque le vent. Tu veux un vrai frisson, laisse-toi t'en pénétrer. Toujours dans la mer, va couler dans la mer. Du haut de la montagne, me va crier. Défoule-toi, défoule-toi sur tous mes sujets. Ne tue pas, ne tue pas, ne tue pas. Défoule-toi, défoule-toi sur tous mes sujets. Ne tue pas, ne tue pas, ne tue pas. Défoule-toi, défoule-toi. Ne tue pas, ne tue pas. Le monde est déjà trop changé. Le monde est un vampire. Sais-tu que ça, il y a rien qui se fait. Travaille dans ton coin, va survivre ta forêt. Tu veux un bras puissant, laisse-moi pénétrer. Cours dans la vallée, plonger dans la mer. Du haut de la montagne, va crier, va crier. Défoule-toi, défoule-toi. Bien sûr quand c'est de la marijuana et